en ce moment ça ne va pas. Tellement de sentiments qui mettent mon moral au plus bas. La famille m'oublie, n'est-ce pas petite cousine? Avant on était proche, maintenant pour toi je suis invisible. N'oublie pas, l'amour c'est passager. Que le jour où ça va pas, je serai là, même si on se fait la guerre. Tout ça pour une histoire de couple en gros pour de la merde. Y'en a plus rien à foutre et je peux dire que je suis vert. Je suis fier que tu aies pris ta vie en main. Même si j'en fais pas partie, le savoir ça me fait du bien. Tu te souviens, à Château Thierry, proche comme jamais, on avait la joie de vivre. Le mal est si vite arrivé, les problèmes de famille nous sont éloignés. Tu te souviens, 2 ans après, le jour où on s'est reparlé. On se lâchait plus, mais maintenant tout ça c'est terminé. On passe de l'amour à la haine en quelques secondes. Famille ou amis, on avance, c'est les mêmes ondes. Comment faire confiance dans cette vie immonde? Je tiens à vous et j'aimerais vous dire pardon. On passe de l'amour à la haine en quelques secondes. Famille ou amis, nous rien avance, c'est les mêmes ondes. Comment faire confiance dans cette vie immonde? Je tiens à vous et j'aimerais vous dire pardon. Ce deuxième couplet c'est pour toi ma grande sœur. Toujours là quand ça va pas, tu es gravé dans mon cœur. Je me souviens comment on s'est connu. Délire pour le début, mais t'en passes. Et maintenant vie sans toi je n'y pense même plus. On se dit tout, on se fait confiance, l'un envers l'autre, il n'y a aucune méfiance. Grande sœur, tu sais que je ne veux pas te perdre. En quelques mois, je peux te dire que tu as conquis mon cœur. Vivre sans toi, non, ça je n'y pense même pas. Chaque seconde, je pense à toi, s'il te plaît, n'en doute pas. J'ai appris à t'aimer, mais pas à t'oublier. J'ai appris à te parler, mais pas à te zapper. Tu es ma grande sœur, j'ai besoin de toi pour avancer. Sans toi, j'ai tellement peur, je ne sais pas où je mets les pieds. J'aimerais pouvoir être dans tes bras, ça je te jure que j'en rêverai. Tous ces moments à tes côtés qu'ils me resteront gravés. Pour toi, je ferai tout, même à en perdre la vie. T'es bien plus que simple sœur, tu es ma raison de vie. Je te promets que je ne peux plus me passer de toi. Je me dis que toi et moi, ça peut faire une grande histoire. Notre amitié est tellement forte, et ça, tu le sais. À nous deux, on défoncera les portes et on sera sûr de gagner. Père Evan, ça, d'une famille bien soudée. Et quoi qu'il arrive, je serai là, ça, je te le promets. On a vécu tellement de choses qui pourront jamais s'effacer. Je pense à toi, ma sœur, tu es gravé dans mes pensées. On passe de l'amour à la haine en quelques secondes. Famille ou amis, dorénavant, c'est les mêmes ondes. Comment faire confiance dans cette vie immonde? Je tiens à vous et j'aimerais vous dire pardon. On passe de l'amour à la haine en quelques secondes. Famille ou amis, dorénavant, c'est les mêmes ondes. Comment faire confiance dans cette vie immonde? Je tiens à vous et j'aimerais vous dire pardon. On passe de l'amour à la haine en quelques secondes. Famille ou amis, dorénavant, c'est les mêmes ondes. Comment faire confiance dans cette vie immonde? Je tiens à vous et j'aimerais vous dire pardon. On passe de l'amour à la haine en quelques secondes. Famille ou amis, dorénavant, c'est les mêmes ondes. Comment faire confiance dans cette vie immonde? Je tiens à vous et j'aimerais vous dire pardon.